Ndikoma Nyanga. Merci d'être resté fidèle aux émissions de la radio Sangamiro. Bienvenue à Sous-Journal, dont voici d'abord le sommaire. Plus de 27 000 pharmacies ne remplissant pas les conditions vont être fermées sur tout le territoire national. Annoncé du ministre de la Santé ce jeudi à l'Assemblée nationale lors de la présentation des rapports d'audit définitifs sur la gestion de certains hôpitaux du pays. Le manque d'infrastructures spécialement liées au transport reste un défi pour le développement des secteurs de transport, de l'énergie, des communications et technologies de l'information au sein du marché commun, l'Afrique orientale, commun de l'Afrique orientale et australe, et COMESA. C'est ce qui a été soulevé au cours d'une réunion des commissions en charge de ces secteurs à Bujumbura ce mercredi. La famille Namikevio, Ile-de-France, belle famille du prince du Guagasore, réclame les honneurs de feu Namikevio Rosa Paul, la femme du héros de l'indépendance du Burundi. C'est au moment où le Burundi célèbre le 1er juillet prochain le 63e anniversaire de son indépendance. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les membres de la Chambre basse du Parlement du Burundi disent être inquiétés par la rareté de certains produits Burundi et les spéculations sur les prix de ces produits là où ils sont disponibles. Inquiétude soulevée ce mercredi au palais de congrès de Kigobe lors des questions orales à l'endroit du ministre en charge du commerce. Demandant au ministre Chanari Nijimbere de suivre de près la commercialisation des produits Burundi, celle-ci ayant promis de faire tout son possible pour assainir la situation commerciale de ces produits. Le détail avec Jean-Claude Itangishak. La pénurie des produits Burundi figure parmi les questions des élus adressées au ministre en charge du commerce ce mercredi. Honorable Bertrand Semani Rambona se demande pourquoi certains produits restent introuvables. Le maïs est produit localement et vendu à la Burundi. Pourtant, on constate aujourd'hui que le prix des boisseaux fabriqués à partir de ce maïs est plus élevé que celui des boisseaux produites à partir des produits importés. Par exemple, la moustelle blonde de 75 centilitres se vendait à 3500 francs, tandis que le nouveau produit à moustelle braille est vendu à 5000 francs. Je voudrais donc vous demander le profit qu'en tire le cultivateur du maïs. Par ailleurs, la moustelle blonde semble désormais être un produit importé puisqu'elle est devenue très rare. Quelle est sa situation actuellement? L'honorable Agathon Gwasa, quant à lui, plaide pour la revue à la baisse des prix de nouveaux produits dans Monster Bright de la Burundi. Cette rue trouve que c'est incompréhensible qu'un produit fabriqué à partir d'une matière locale soit vendu à un prix dépassant les prix des produits préexistants. La moustelle blonde se vend actuellement à 20 000 francs, car ce produit est souvent acheté comme fraude. Lorsqu'il est importé depuis la RDC ou la Tanzanie, si vous choisissez d'exporter ces boissons, c'est une bonne chose. Mais pensez également aux citoyens burundais. En effet, si vous exportez toute la production, cela ne profite qu'à quelques personnes. Par ailleurs, si les matières premières sont produites localement et à bas prix, il serait logique de revoir à la baisse le prix de la moustelle bright. Mis à part la levure qui est importée, les autres ingrédients sont issus de notre production locale. Son prix ne peut pas dépasser celui de la Mustard Brand. La ministre chargée du commerce indique que ce défi devrait être résolu par l'augmentation des produits exportés et d'ajouter que ce qui concerne la distribution ne pose aucun problème. Les boissons disponibles sont d'abord transférées dans les provinces. Une fois arrivées sur place, une commission composée de délégués de la Burundi et de l'administration locale se charge de planifier leur distribution dans les différentes communes. Nous pourrions donc disposer de quantités suffisantes lorsque la production sera abondante. Dans ce cas, il serait aussi possible d'exporter une partie de la production afin de générer des devises. Cela nous permettrait de mieux nous approprier les matières première nécessaire à cette production. Selon le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gérard Nabirabe, le peuple devrait être associé quant à la distribution des produits de la Brarudi. Si l'État à la fois distributeur et détaillant, il est compréhensible qu'il privilégie la distribution dans son propre point de vente, ce qui crée un sentiment de frustration chez les autres commerçants. Pour simplifier les choses, il serait préférable de confier cette responsabilité à des citoyens neutres. Pour ma part, j'attends ce que dira l'administration. Je me demande pourquoi cette situation. Le président de l'Assemblée nationale trouve que les administratives chargées de la distribution de ce produit le font pour leurs propres intérêts. Claude Itangeshak, la spéculation sur les prix des produits Brarudi est causée par le manque de ces produits sur le marché et la réticence des autorités administratives. Propos de l'expert en économie Diomède Ninderetse ce jeudi après que les députés déploraient cette spéculation autour de ces produits. Il demande au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent pour arrêter cette spéculation afin d'éviter une crise sociale qui pourrait suivre. On l'écoute. Ça fait un bon moment que la Brarudi spécule en exportant beaucoup plus les produits Brarudi vers le Congo et qu'au niveau local, on ne trouve pas les produits de la Brarudi. Il suffit de regarder le prix d'une bière au niveau local, c'est souvent entre 4 000 et 10 000. Au moment où le prix réel fixé, c'est moins de 3 500. Il suffit de regarder la moustère qui était estimée à 4 000 aujourd'hui. Si tu vois dans les cabarets, on trouve que c'est autour de 10 000. Et là, le grand problème, ce n'est même pas de voir ces prix-là, à Moustère Royal ou à Moustère tout court, c'est de voir que même ces produits ne sont pas disponibles sur le marché. Alors, la question est de savoir, est-ce que réellement l'autorité administrative, l'autorité politique est bien informée de cette spéculation ou c'est quelque chose qui est resté à elle-même? Alors, le constat est que d'abord, quand il y a hausse généralisée des prix, il y a une inflation. Et surtout, quand il y a effectivement la vente des produits de Brarudi à un prix double ou triple, c'est-à-dire que vous retirez le pouvoir d'achat de la population. La population qui avait tendance à consommer des bières ou trois bières va vouloir prendre une bière parce que son revenu n'a pas augmenté. Il faut voir que le salaire n'a pas augmenté des fonctionnaires, y compris la production de la population n'a pas augmenté. Donc, il n'y a aucune circonstance qui pourrait justifier la hausse généralisée de ces produits qui sont produits localement et qui devraient être vendus localement. On comprend très bien qu'aujourd'hui, il y a bien évidemment l'arrêté des devises. Et il y a des éléments qui sont expliqués comme quoi la Brarudi cherche des devises en vendant les produits Brarudi au Congo. Alors, c'est le moment que l'État burundais, effectivement, puisse s'asseoir ensemble avec la Brarudi pour discuter le prix réel de son produit. Ce n'est pas que la Brarudi va pouvoir effectivement utiliser le canal de distribution pour d'autres voies, pour des voies illégales. Parce que le prix jusqu'à présent, on connaît le prix, ça peut pas, il n'y a pas un produit de la Brarudi qui pourrait dépasser 6 000 francs, sauf pour des bistrots, des cabarets de haut de gamme. Là, on comprend très bien, mais si on va dans les cabarets simples, ordinaires, on ne voit même pas ces produits. Alors, du côté de l'autorité politique, du côté de l'autorité administrative, qui doit prendre des mesures pour stopper cette spéculation. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Isanganiro. La famille Nhami Kivio, il défonce belle famille du prince Louis Gwagasore. Demande que fut Nhami Kivio, Rosa Paul, la femme du héros de l'indépendance du Burundi, puisse avoir une place qui convient. En tant que dame du héros de l'indépendance et lors des cérémonies de l'indépendance et autres, Juvenal Minani, représentant cette famille, dit ne pas comprendre pourquoi il n'y a aucune trace de sa sœur au mausolée du prince. Il demande que sa famille puisse participer en déposant des gerbes de fleurs lors de cérémonies de commémoration du prince Louis Gwagasore. La famille Nhami Kivio le dit au moment où le Burundi célèbre le 1er juillet prochain le 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Juvenal Minani. Je suis très très choqué de constater que cette personnalité a été oubliée par le peuple burundais, ou du moins si elle existe, elle n'existe que dans certains livres. Alors je me demande comment chaque fois qu'on se souvient du prince Louis Gwagasore, surtout le 13 octobre, le 1er juillet, les autorités burundaises vont chaque fois déposer les gerbes de fleurs sur la tombe du héros de l'indépendance, ainsi que sur la tombe de ses enfants. Mais on ne voit pas la mère de ses enfants. Alors, je me demande pourquoi personne ne se pose cette question pour savoir comment il a eu ses deux enfants. Mais ce qu'il faut savoir, ce que l'histoire doit retenir, c'est que la princesse Marie-Rose Amikevzo s'était mariée légalement et officiellement. Son mariage a été enregistré. Le mariage a été célébré à la paroisse Saint-Michel. Mais curieusement, on ne voit pas sa tombe à côté de ses enfants, à côté de son époux. J'ai toujours approché ses sœurs, son frère, pour savoir pourquoi la situation se présente comme cela. Mais apparemment, je constatais que personne ne voulait en parler. Alors, comme je commence à prendre de l'âge, j'aimerais, en tant que membre de la famille, demander la réhabilitation de la princesse Marie-Rose Namikevzio. On ne demande pas grand-chose. On demande sa réhabilitation. Au moins, qu'il y ait un signe de son existence, qu'il y ait un signe en sa mémoire, qu'il y ait sa tombe, une tombe à côté de ses enfants, à côté de son époux, pour que les générations futures puissent connaître qui était Marie-Rose Namikevzio. Je vous le disais en titre, le manque d'infrastructures spécialement liées au transport reste un défi pour le développement des secteurs de transport, de l'énergie, des communications et technologies de l'information au sein du marché commun de l'Afrique orientale et australe et COMESA. C'est ce qui a été soulevé au cours d'une réunion des commissions en charge de ces secteurs à Bujumbura ce mercredi. Réunion qui prépare celle des ministres concernés prévue ce vendredi. Christine Niragira, secrétaire permanent du ministère burundais en charge du commerce, indique que le commerce au sein du COMESA est encore à 7%, la vision étant d'atteindre 25% en 2030, l'ambition étant de développer des infrastructures afin d'exploiter le potentiel qui reste négligé. Suivez-la. L'harmonisation des politiques et des régulations et la facilitation du commerce ne sont pas des concepts qui sont abstraits, mais bien des composantes essentielles pour favoriser le commerce interrégional qui est très robuste, mais aussi attirer les investissements indispensables, que ce soit à terme ou même aujourd'hui, de manière à mener la transformation économique profonde à laquelle aspirent nos citoyens. En effet, selon les dernières perspectives économiques du secrétariat, le commerce intra-COMESA, bien qu'en croissance, recèle encore un immense potentiel inexploité. Les chiffres actuels montrent qu'il représente environ 7% du commerce total du COMESA. Ainsi, le renforcement de nos infrastructures est essentiel pour libérer ce potentiel et atteindre l'objectif ambitieux qui est de 25% d'ici 2030. Cette réunion revêt une importance particulière car notre région est confrontée à des défis persistants et omniprésents qui entravent notre progrès collectif. Il s'agit notamment de l'insuffisance des infrastructures de transport et de communication, ce qui constitue un obstacle majeur à la libre circulation des biens et des personnes. Mais aussi, il s'agit de déficits énergétiques, que je dirais chroniques, qui freinent la croissance industrielle et le bien-être des ménages. Et il s'agit de la fracture numérique généralisée qui exclut une partie importante de notre population de l'économie numérique en plein essor. Je vous le disais également en titre, en page santé, que plus de 2700 pharmacies vont être fermées par le ministère de la Santé publique, puisque ne remplissant pas les conditions requises, a annoncé ce jeudi le ministre de la Santé lors des questions orales sur le rapport d'audit définitif sur la gestion des 4 hôpitaux, à savoir celui de Karoussi, Natre-Touré-Chauvoyé, les hôpitaux du district de Kibumbu, de Makamba et l'hôpital régional de Bururi. Des députés sont aussi revenus sur la prolifération des pharmacies. En réaction, le ministre de la Santé, Lidwine Maradana, a fait savoir qu'un circuit parallèle donne des autorisations d'ouverture. N'est-ce pas, Mary Kanyak? Lors de cette séance de ce jeudi, sur ces rapports de la Cour des comptes sur ces quatre hôpitaux, différents élus du peuple sont revenus sur la prolifération des pharmacies. C'est notamment le député Martin Nivyabandi qui pense que certaines pharmacies vendent des médicaments nuisibles à la santé humaine. Dans le même ordre d'idées, le député Parfait demande le rôle de l'inspection de la santé dans cette prolifération. De son côté, le député Guikeke Pascal demande au ministre de la Santé le sort de ceux qui ont accordé des autorisations d'ouverture des pharmacies. Sur ce sort des cadres du ministère de la Santé qui ont favorisé la prolifération de ces pharmacies, le ministre de la Santé regrette qu'il y ait un circuit parallèle qui donne ces autorisations. Consciente du danger de la consommation de certains médicaments, le docteur Lidwine Baladahana, ministre de la Santé, annonce la fermeture de plus de 2700 pharmacies car, dit-elle, le pays n'a besoin que 2400 pharmacies, ajoute-t-elle. C'était là les détails avec Mary Kanyang et on noterait que l'Assemblée nationale a analysé donc ce jeudi le rapport d'audit définitif de gestion des hôpitaux. Natutrachoué d'Okar aussi, l'hôpital régional de Bururi, les hôpitaux du district de Makamba et Kibumbu. Sur les défis constatés, Dr Lidwine Maradahana, ministre de la Santé, a indiqué que les défis sont communs à ces hôpitaux. Elle parle du cadre légal qui n'est pas clair, l'opacité dans la passation des marchés publics, le manque d'organigramme et de manuel des procédures financières et comptables. Dans la même page santé, bon nombre de Burundais n'ont pas d'accès aux soins de santé pour cause de manque de moyens de s'affilier à une société d'assistance maladie, alors que tout Burundais de 18 ans est actuellement obligé d'avoir une telle carte. C'est ce que considère Jean Samandari, le président de l'association Action contre la pauvreté. Cette organisation distribue ce jeudi des cartes d'assistance médicale à 500 ménages vulnérables de la zone Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Une information que nous devons à notre consoeur Ahira Nshimirimana. Dernier dossier de ce journal, les veuves sont confrontées à pas mal de défis liés à la survie de leur famille, d'où elles devraient être intégrées dans des projets de développement. Le constat est de Singirankabo Antoinette, représentante de l'association des veuves responsables à Kayanza. Sylvain Bakanibona, conseiller socioculturel du gouverneur en province de Kayanza, promet que l'administration provinciale se dit préoccupante des questions qui hantent les veuves afin de les appuyer dans leur développement, n'est-ce pas, Patrick Saint-Guyouf? La présidente de l'association des veuves en province Kayanza, une association dénommée Association des veuves responsables, tire la sonnette d'alarme sur les nombreuses difficultés auxquelles font face les veuves dans la survie de leur famille. Selon Antoinette Singirankabo, représentante de cette association, une femme veuve se retrouve seule à assumer toutes les responsabilités du foyer alors que celle-ci était auparavant partagée à deux. Elle souligne également que dans certaines familles, les femmes veuves sont marginalisées, parfois humiliées, voire écartés de la vie économique et sociale. Elle appelle les autorités administratives à impliquer davantage cette catégorie sociale dans les initiatives du développement communautaire afin que les veuves puissent améliorer les conditions de vie de leur famille. Interrogé à son propos par Kanibona Sylvain, conseiller socioculteur du gouvernail à Kayanza, celui-ci nous a indiqué que l'administration reconnaît les conditions de vie dans lesquelles vivent les veuves et leurs enfants. Cette autorité administrative provinciale à Kayanza leur promet que les futurs projets de développement tiendront compte de cette catégorie des gens afin de favoriser leur intégration et autonomisation économique au sein de la société. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Isanganilo. Merci à Patrick Nsengiumva pour tous ces détails. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite de nos programmes. Oh,